Merry Christmas. Studek Web. Merci d'avoir choisi Studek Web. C'est le coup de boost jusqu'à 15h. Le Père Noël en Alaska. Même pas froid. Le Père Noël sur un chameau. Coucou la compagnie, c'est la voix de Siri qui vous parle. Les producteurs n'avaient pas le Père Noël sous la main. Donc c'est juste pour vous dire que le coup de boost passe en mode Noël. Bisous tout plein de chocolat. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Joyeux Noël. Bienvenue à tous, salut, merci d'être avec nous et d'avoir choisi le coup de boost pour démarrer votre après-midi. Bah, j'espère que votre matinée s'est bien passée, que vous avez bien déjeuné. Bon courage, hein. Si vous êtes de retour au taf, on va tout faire pour que ça se passe bien. Bon après-midi aussi à vous qui êtes tranquille à la maison sur le canapé. On vous offre votre deuxième réveil de la journée. Je dis on, car je ne suis pas seul. Robin est avec moi. Salut Robin. Salut Jérémy, salut Azem, salut tout le monde. Et il est là lui aussi. Après plus de 3 semaines d'absence, Azem est de retour. Salut Azem. Oui, je suis de retour en pleine forme. Alors qu'est-ce motivé. Que ça se fait de retrouver les studios? Franchement, là, je suis très content. T'es marre, t'es bien? Ah, je suis très content. Parfait. Et pas là, que les studios, de nous retrouver nous aussi, j'espère que t'es content. Tout le monde, vous, les auditeurs, tout le monde, très content. Lundi 17 décembre, J-8 avant Noël, et vous avez peut-être ouvert ce matin la 17e case de votre calendrier de l'Avent. Bien comme moi, vous avez désespérément cherché la 25e. Et moi, j'ai tout mangé. Vous en êtes où, vous, Azem Robin? Ouais, moi, toi, tout mangé. J'ai tout mangé. Ah, je parle plus de thune. Merde, c'est des Kinder, tout ça, je peux pas tenir. Vas-y, on se cotise, on rachète des calendriers de l'Avent tous les ans. Bah, moi, j'ai la flemme d'aller en acheter un, en fait. Donc, j'en ai pas. T'en as pas, bon, bah, parfait. Vendredi, dans l'Hérault, une mère a trouvé dans le calendrier de l'Avent de sa fille un cadeau assez original. Un cadeau qui lui a pas particulièrement plu. Vous savez ce que c'était? Ah, pas du tout. Vous avez pas suivi l'info? Ah, non. Une souris morte, voilà. Oh, mercredi dernier, sa fille de 2 ans n'avait pas pu manger son chocolat car il avait été rongé. Elle pensait qu'il y avait eu un souci lors de la fabrication, mais en ouvrant la case du vendredi, elle a tout compris. Ouais, sympa la surprise avant Noël. C'est dégueulasse. Mais rassurez-vous, c'est extrêmement rare quand même. Voilà, continuez à acheter des calendriers de l'Avent. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? Ah, c'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh, le fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien, quoi. Le dose du jour sur Studek Web. Et on le disait, J-8 avant Noël, vous avez peut-être déjà fait vos achats de cadeaux depuis longtemps, même pour certains. Ou bien vous êtes encore en train de réfléchir pour trouver le cadeau qui plaira à vos amis, vos parents. Azem, Robin, vous en êtes où, vos achats de cadeaux Noël, Robin? Bah moi, j'ai pas tout fini encore, mais j'ai trouvé les principaux, du coup, pour ma mère, pour mon père, etc. Et j'ai les principaux, donc ça va. Azem? Moi aussi, enfin j'ai pris quelques cadeaux, il manque deux là, pour mes frères. Du coup, c'est presque fini. Et pour acheter ces cadeaux de Noël, vous avez eu le choix entre acheter en boutique ou bien commander sur Internet. Bah, dites-nous si vous êtes plutôt boutique ou plutôt Internet. Pour participer à ce dose du jour, vous envoyez vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de Studek Web. On en parle ensemble aux alentours de 14h20. Dans quelques instants, la météo et votre post-it. Tous les anniversaires et événements à ne pas manquer en ce lundi 17 décembre. Juste après le son de Lady Gaga, I Want Your Love sur Studek Web. Bon après-midi. You ever want to try my love and see how well it fits? Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Merci d'être avec nous dans le coup de boost. On est ensemble jusqu'à 15h. Et dans quelques minutes, le dose du jour, c'est bientôt Noël, le Père Noël, le sapin, les guirlandes et les cadeaux. À 8 jours maintenant, vous avez peut-être déjà terminé tous vos achats ou bien vous êtes comme moi et vous n'avez pas encore commencé. Ouais, bon, c'est pas qu'on est feignant. Non, on cherche le cadeau original et c'est assez compliqué. Vos achats, est-ce que vous allez les faire en boutique pour pouvoir voir et tester les produits ou est-ce que vous commandez sur Internet? Bah, pour participer, vous envoyez vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de StudiaQueb. On en discute ensemble vers 14h20. Yes. La météo de ce lundi 17 décembre à Zem et les températures sont plutôt douces à quelques jours de l'hiver. C'est ça. Enfin, si vous rêvez de bon temps, de chaleur, bah, il faut toujours continuer à arriver parce que il fera toujours aussi froid, mais avec des températures, comme t'as dit, un peu plus douces, un léger voile nuageux sur l'ensemble du territoire, sauf sur le côté nord-est, où d'ailleurs, il fera de 5 à 8 degrés, sur la partie nord-ouest de 7 à 12 degrés, et dans le sud-est de 12 à 15 degrés, et dans le sud-ouest de 5 à 13 degrés. Les températures sont de 12 degrés à Nice, 12 degrés à Brest, 11 degrés à Toulouse, 9 degrés à Lyon, 8 à Lille et à Paris, 6 à Metz et à Grenoble, 5 à Strasbourg. Et demain, il fera soleil sur toute la partie est et de la grisaille sur la partie ouest. Bon après-midi à tous sur Studio Quoi. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Studio Quoi. Les événements ou votre anniversaire à ne pas manquer, on vous fait une petite note pour ne rien oublier, on démarre avec Azem. On fête l'anniversaire de l'acteur Benjamin Bratt qui a notamment joué dans Coco ou encore New York Police Judiciaire. Il fête ses 55 ans, bon anniversaire à lui. Aujourd'hui 17 décembre, J-8 avant Noël, mais jour J pour l'anniversaire d'Ophélie Meunier, la célèbre présentatrice et mannequin française. Un bon anniversaire à elle et à vous aussi, hein, si vous êtes né un 17 décembre, on vous oublie pas. L'actrice Miranda Otto fête ses 51 ans. Elle a notamment joué dans la série Homeland. Bon anniversaire à elle. En 1770, l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la musique naît. Ludwig van Beethoven. Il décède le 26 mars 1827 à 56 ans d'une maladie du foie. Ça fait plus de 200 ans que sa musique traverse les générations. Donc c'est une mention amplement méritée aujourd'hui dans le coup de boost, moi je trouve. Yannick Aleno, le célèbre chef cuisinier français, 3 étoiles au guide Michelin, fête ses 50 ans. Bon anniversaire à lui. Et demain, ce sera la journée mondiale de la langue arabe. Il s'agit d'une décision de l'UNESCO. Pourquoi le 18 décembre? En fait, c'est le jour où, à l'ONU, la langue arabe est devenue la 6e langue officielle des Nations Unies. Est-ce que demain, on ne se ferait pas un petit truc spécial pour la journée mondiale de la langue arabe? Ah, pas de soucis, avec plaisir. On peut faire ça. C'est une mission spéciale. On en discutera. Catherine Jacob, l'actrice française, fête ses 62 ans. Elle a notamment joué dans la famille de Katz. Bon anniversaire à elle. Et aujourd'hui, nous fêtons les Gaëls. Bah, bonne fête à vous si vous vous appelez Gaël. Et n'hésitez pas à leur souhaiter une bonne fête si vous en connaissez. Dans quelques instants, on vous informe, oui, mais à notre manière. Hein, pas avec des infos, pas avec n'importe quelles infos. Non, on a passé toutes les journées à chercher des infos inutiles. Ouais, pas d'infos politiques, pas d'infos économiques. Par exemple, est-ce que vous connaissez Terre-Marie Beard, Azem Robin? Oula, tu me poses une question. C'est une région du monde. Ah, okay. Terre, ma quoi? Terre-Marie Beard. C'est où? Je partirais pas en vacances. Justement, en tout cas. C'est ça la question. C'est une région du monde où il fait un peu froid et qui est assez particulière. En Russie? Non. Ah, c'est où le Père Noël il habite? Pas en Russie, mais on remonte dans le pôle Nord. Okay, on remonte dans le pôle Nord. On en parle juste après Zaz qui viendra sur StudiaQueb. Bon après-midi. Et puis, achetez vos cadeaux de Noël et dans quelques instants, le dos du jour qui viendra Zaz sur StudiaQueb. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sin pensar, dónde acabará. Que parti sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra? Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra? Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo. Le coup de pouce, c'est le deuxième réveil de la journée, de 14h à 15h sur Tudecweb. Merci d'être avec nous dans le coup de pouce jusqu'à 15h et on parle Noël, J-8 avant Noël. Est-ce que et vous avez déjà fait vos achats? Robin l'a fait, un Azem peu. Il est comme moi, il galère, moitié. On en parle à 14h20 ensemble, mais pour l'instant, on vous donne des infos. Oui. Bah ouais, chaque jour, on passe notre temps à trouver des infos, mais pas des infos que toutes les autres radios peuvent vous donner, non. Nous, on va trouver des infos dont tout le monde se fout, mais qui peuvent être drôles. C'est ou ça. Pathétiques, à vous de juger. On va faire une battle de celui qui a l'info la plus, on s'en fout. Vous nous dites qui, selon vous, a l'info la plus inutile sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, avec le hashtag coup de boost. Et il y a quelques minutes, je vous avais demandé si vous connaissiez Terre Marie Beard. Est-ce que. Non, ça me dit toujours pas, rien. Pas d'idée. Du tout. Ouais, t'as donné une indice par rapport à. On est sur une Nord. Région. Voilà, mais... on est dans le pôle Nord, il fait froid. Bah c'est moi du coup je pense que comme tu parles du pôle Nord il fait froid, c'est pas où est-ce que le Père Noël il habite. En Laponie? C'est pas un délire non, comme c'est ça. Pas non, la Laponie, c'est pas... mais on n'est okay. pas loin. Bon, on en parle dans quelques instants juste après ton info animalière. Oui exactement. Je me lance tout de suite là, c'est bon, c'est parti. Allez, vas-y, allez. Tu peux y aller. Donc un sanglier court à une vitesse de 40 km/h. Voilà. Ah ouais, c'est l'info inutile. C'est-à-dire que si t'es si te fonce dedans, t'es. Ah bah, t'es fini. Ah, ça court même en vélo, moi il me rattrape hein, je pense. Oui, oui, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous avais parlé de Terre Marie Beard, c'est une région de l'Antarctique dans le pôle Nord. Oui. Il fait assez froid. Mm-hmm. Est-ce que vous avez trouvé une nouvelle destination des riches, je sais pas. Non, pas de nouvelle destination des riches, c'est un territoire au monde qui n'est revendiqué par aucun État. Voilà. Ah, okay. Donc en bref, il n'appartient à aucun pays, il n'a pas de gouvernement, pas de ville et pas d'habitants permanents. Et il n'y a pas de loi du coup. Et il n'y a pas de loi non plus. C'est-à-dire en gros, tu vas là-bas, tu fais ce que tu veux, personne ne pourra te punir. Voilà. Mon Dieu. Bon, elle est quand même souvent occupée, cette terre, par les États-Unis, voilà, qui installent des bases de recherche, voilà, sur la calotte glaciaire. Terre Marie Beard porte le nom de l'amiral qu'il a découvert en 1929, Richard Beard, et il a choisi ce nom en l'hommage de sa femme, Marie. D'où Terre Marie Beard. Ouais, c'est beau. Ok, c'est intéressant. Quoi. Voilà. Bah, dites-nous si cette info vous a plu. Hashtag coup de boost sur les réseaux sociaux. Azem, moi j'ai une info. Je sais pas si vous savez, si le SMIC aurait connu la même hausse que le carburant depuis 1990, il serait aujourd'hui à 3 100 €. Ah bah là j'aimerais bien. Il aurait pas les gilets jaunes. Hein. Là non, dans les rues il y aurait personne. Il y aurait pas. Ah bah oui non, là pour le coup non. Moi j'ai une info inutile qui est un peu drôle. Mel Blanc, donc la voix de Bugs Bunny, elle est allergique aux carottes. Vous me croyez ou pas? De quoi? La voix ça s'invente pas. De Bugs Bunny, non, mais c'est un truc de. Mel Blanc est allergique aux carottes. Bah c'est logique du coup. C'est pas logique du non, tout. Mais je sais. Bon allez, je continue avec une info jeu de construction. C'est plutôt pas mal comme cadeau de Noël, les jeux de construction. Qui n'a jamais eu de boîte de Lego? Ah bah non, qui n'a jamais, vous avez commandé? Ah oui, non, j'ai déjà eu. Est-ce que vous savez combien de boîtes de Lego sont vendues chaque seconde dans le monde? Chaque seconde? Chaque seconde. Ah, moi je dirais 10, ouais, pareil. Ah, vous êtes pas loin. C'est vrai? Un 9, peu moins, un 9, tout petit peu moins. 9, encore un peu moins. 8? Encore un c'est peu moins. C'est juste prix en fait. On fait un jeu à l'antenne, on peut juste compter. Ouais. 7, ce qui représente 983 pièces vendues. Voilà. C'est énorme, c'est mais après énorme. On les retrouve par terre, tu sais, on marche dessus. Il n'a jamais eu cette sensation de marcher sur un Lego et de se faire hyper mal. Ah ouais, non, ça te défonce le pied. Hein. Personnellement, voilà, c'est pour ça que je n'ai plus de Lego chez moi. Plus un seul. Azem. En Pologne, il y a un laboratoire qui donne 50 € pour récupérer vos excréments, en fait. Ah ouais. Tu fais caca et ils te donnent 50 €. Ouais, c'est exactement ça. Pour des recherches sur, je sais pas trop quoi, j'ai pas très bien compris l'article, je vous cache pas. Mais voilà, 50 € pour faire caca en fait. tout simplement. Ah, si, ouais. C'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Robin. Moi, j'ai une info inutile. Ça parle des jours de la semaine. En fait, en français, comme dans la plupart des langues romanes, le lundi, c'est le jour de la lune. Le mardi, c'est le jour de Mars. Le mercredi, c'est pour Mercure. Le jeudi, pour Jupiter. Et le vendredi, pour Vénus. Le samedi, pour Saturne. Et le dimanche, le jour du Seigneur. Vous saviez ou pas que genre tout était relié aux planètes et tout? Ah non, genre, lundi. Tu m'en apprends. Ouais, c'est facile, moi, j'étais que grave ça. Étonné en voyant ça. Je me suis dit, mais j'ai jamais fait le rapprochement de lundi, lune, mardi, mars, enfin... Voilà, après, j'ai aussi, c'est vraiment une petite info inutile. Allez, j'ai un chiffre, 753 148. C'est le nombre de candidats qui se sont présentés en juin dernier aux épreuves du bac, un examen dont l'organisation coûte cher, hein, environ 2 255 € par élève. Oh là bon, là. Ça compte les frais d'organisation, mais pas que. La rémunération des intervenants également, on sait ce qui reste à faire pour économiser, voilà. Une revendication des gilets jaunes, pourquoi pas. Retirer le bac qui s'est en juin, voilà. Ah bah, ça serait bien, après, ça. Moi, ça serait bien, mais bon, nous, on a déjà passé, du coup. Ouais. Venez nous dire qui a l'info la plus inutile sur les réseaux sociaux. C'est moi. Web, Instagram, Twitter et Facebook avec le hashtag Coup de Boost. Et une alerte média vient de tomber. Azem, Robin. Grosse info média. Franchement, une grosse info média, ben oui, c'était Miss France qui a dit hier le premier mot qu'elle a sorti, c'était sapristi. Sapristi. Sapristi. Oh, non, elle est très. C'est ça, non, c'était sapristi. Très chic, Miss France. Mais oui, et ça a fait le tour en fait, et tout le monde est en train de le reprendre sur les réseaux sociaux. Donc alerte média importante, je sais pas, mais vraiment cas, ça fait vraiment le tour pour le coup. Un petit message, la Miss de cette année, elle est vraiment très très belle. Oui, vraiment. Miss Tahiti. J'étais vraiment content pour une fois. Ils ont vraiment eu la bonne personne. Et c'est Jean-Pierre Foucault qui a été content parce que c'est la première quand même. Le premier à l'avoir vu. Et elle est toute mignonne parce qu'en plus, quand on lui a dit pourquoi ton premier mot était sapristi, elle a dit bah, je déteste parler vulgairement et j'aime pas les gros mots, donc c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. J'ai trouvé propre, ça tout tellement ça. Mignon. Et ouais, donc alerte média, oui, ça fait le buzz en ce moment et sur les réseaux sociaux. L'élection et de Miss tout France. Le monde le partage. Et ben on parlera de Miss France de 16h à 19h dans leur média. Voilà une info qui sera traitée. Restez bien sur StudioCoop, 16h, 17h dans leur média. En fin d'émission. Bah non, il n'y en a pas deux pour le coup. Hein. Non, il n'y a pas deux alarmes médias, on en garde plus. En fin d'émission, on joue au jeu du booster pour tenter de gagner un pack Studek Web avec une carte dédicacée par toute l'équipe. La règle du booster, elle est simple, il suffit de trouver un mot en rapport avec un thème. Et le thème du jour, vous l'aurez compris, bah, les cadeaux de Noël. Petite musique derrière, elle est sympa quand même. Ah, mais oui, j'aime bien. Pour vous aider à trouver ce mot, vous pourrez nous poser autant de questions que vous le souhaitez, questions auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non. Mais attention, pour trouver ce mot, vous n'aurez qu'une minute. Et à chaque mauvaise réponse, on donnera un coup de boost au chronomètre et le temps s'accélérera. Vaut mieux être sûr hein, donc de vos propositions avant de nous les faire. Pour participer, envoyez-nous vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de Studek Web. Et si vous êtes sélectionné, ben on vous rappellera aux alentours de 15h pour jouer ensemble au booster. Bonne chance à tous. Dans quelques instants. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Vous l'avez compris, le booster, la règle, je viens de vous la donner, mais dans quelques instants, la surprise de Noël. Et oui, chaque jour, un invité qui a carte blanche, une personne que l'on n'a pas l'habitude d'entendre aujourd'hui. Et le dose du jour, où en êtes-vous de vos achats de Noël? Est-ce que vous préférez vous déplacer en boutique ou commander sur Internet? On vous prend à l'antenne pour venir nous donner vos avis en envoyant vos noms, prénoms et numéros de téléphone en message privé sur la page Facebook de Studek Web. On écoutera également le son de Charlie Puth, Marvin Gaye. Tout ça, c'est dans quelques instants sur Studek Web. À tout de suite. Écoute ta web radio préférée, envoie tes messages vocaux en un clic et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu, participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studek Web. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Marvin Gaye and Get It On. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. Merci d'être avec nous, on est juste ensemble jusqu'à 15h sur Studio Quem dans le coup de boost. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? Ah, c'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fafone. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studio Quem. Le dose du jour et on parle de Noël aujourd'hui. Dans 8 jours maintenant, ce sera le grand jour. Les guirlandes, le sapin et les cadeaux. Cadeaux que vous avez peut-être déjà achetés ou comme moi, vous avez clairement du retard. Robin, Zem, vous qui avez fait... Robin, toi qui as fait tes achats de cadeaux. On est sur quel genre de cadeaux cette année? Alors moi, j'ai acheté... Ah mais dis pas, il faut pas dire, c'est ta mère, elle écoute. Mais oh, bah, c'est pas grave, et bah, elle aura perdu la magie. Ouais, voilà, j'en fais un terme général, on sait jamais. Parce un que terme c'est général, cadeaux. Oh là là, mais comment je vais décrire ça? C'est un truc qui sent bon et une petite surprise dedans. Bon, on va pas dire c'est un parfum. Non, même pas, c'est même pas ça pour le coup. Et toi, Zem, qui est comme moi, qui n'a pas encore fait tes achats Noël, est-ce que tu vas plutôt aller en boutique ou bien commander sur Internet? Non, moi en général, je vais plus sur Internet, du coup. Parce que sur Internet? Ouais, parce que ça n'a pas forcément le temps. Tu peux pas te déplacer, hein. Non, c'est pas ça, c'est que ouais, on n'a pas forcément le temps de. En plus, sur Internet, on trouve plus de choix, du coup. Mais oui. Alors voilà, c'est mieux. Mais il y a des promotions, des réductions, du coup, c'est pas mal. Et Romain, toi, t'es passé par Internet ou... Non, non, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas la même magie. Moi, j'adore faire les boutiques, voir les vitrines, etc. Ou même toucher les cadeaux que je veux offrir. C'est grave symbolique. Je déteste, là. J'aime bien commander sur Internet le reste de l'année. Mais alors, faire les magasins pendant Noël, je trouve ça magique. Et c'est une fois par an. Donc, je me dis, il faut bien que je sorte de chez moi pour aller prendre des cadeaux. Non, mais c'est vrai, t'as raison par rapport à ça. Bah, vous pouvez participer et nous dire si vous avez déjà fait vos achats et si vous avez acheté en boutique ou sur Internet en envoyant vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de Studecoeb. Et justement, on va prendre l'avis de Pierre. Il est avec nous au téléphone. Salut Pierre. Salut. Salut. Tu nous appelles d'Antibes? Exactement, ouais. Quel temps fait-il aujourd'hui dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est un peu hiver, quoi. Il fait froid, mais on a un peu de soleil, donc ça passe. Mais ça va, il y a les palmiers quand même, même en hiver, donc ça réchauffe rien que de les voir. Et il y a la mer aussi. Je suis déjà allé, c'est trop beau. C'est super beau. Je kiffe. Tu fais quoi dans la vie, Pierre? Je suis boulanger. Boulanger. Est-ce que tu veux pas venir à Studio Quem nous ramener des baguettes de pain? Ah ouais. On a faim, on veut manger. Je les décore même en verre pour un sapin de Noël, si vous voulez. Mais non, pas des baguettes, on en a parlé. Ramène une spécialité du sud. C'est ça, parce que. Bah oui. On peut faire un voyage pour une baguette. Tranquille. Pas une baguette, il nous aurait ramené un sac, un sac entier. Pierre, déjà, est-ce que tu aimes Noël, toi? J'adore, ça peut arriver qu'on aime pas. C'est ma période préférée de l'année. Parfait. Est-ce que tes achats de Noël, voilà, c'est fait ou pas encore? Ouais, la plupart sont faits. Et t'es passé par la boutique ou plutôt comment tu fais? Je suis un peu partagé entre les deux. Je fais un peu les deux, on va dire, parce que comme Robin, j'adore l'esprit de Noël, les magasins et tout, mais je ne supporte pas les queues d'attente. Du coup, je fais un petit peu les deux. Je passe un petit peu pour Noël pour voir un peu l'ambiance, mais dès que je peux, je fais mes achats sur Internet. Ouais. Ah, mais alors, comme pour toute bonne chose, il faut savoir attendre. C'est vrai, mais là, j'étais ce week-end dans une enseigne d'high-tech et franchement, la queue, attendre une heure pour payer, non merci quoi, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu chiant les files d'attente, mais bon, la magie est là quand même. C'est ça rattrape tout, on va dire. Bah moi je suis team vitrine hein. Moi je suis plus internet. Et tu vas faire quoi toi le 24 décembre? Est-ce que t'es plutôt un grand repas en famille ou tu vas changer? Eh ben moi je vais avoir plusieurs grands repas en famille parce que j'ai une famille divorcée, du coup le 24 avec ma petite maman et le 25 avec mon papa quoi. Alors les cadeaux c'est lourd hein. Est-ce qu'on peut te demander de cadeaux encore? Oui. Et quel genre de cadeau t'as choisi Moi j'aime bien qu'on fasse la surprise. Donc quand on me demande, je dis ce que vous voulez. Donc c'est ou de l'argent ou alors des petites surprises. Comme ça j'aime bien avoir la surprise de Noël quoi. Non, moi j'aime pas avoir de l'argent. Moi, ça perd la magie, c'est pas un cadeau, une enveloppe. Moi je préfère largement qu'on m'offre un petit pull. Mais même si je vais pas le mettre, même un pull de ma grand-mère qu'elle va m'offrir, je préfère largement avoir ça plutôt que de l'argent. Je sais pas, c'est symbolique, je me dis c'est vrai, je l'ai eu à Noël et machin. C'est vrai ouais. Non mais c'est bon, t'as raison, parce que l'argent c'est... On va le dépenser pour rien, alors qu'un cadeau c'est plus... c'est l'intention. Merci beaucoup Pierre d'avoir participé. Et puis bonne fin d'achat, parce que tu nous avais dit voilà que t'étais la bonne partie était faite, mais il en reste encore, donc bonne fin d'achat en boutique. Bonne fête à vous d'ailleurs. Et n'hésite pas à nous rappeler. Salut. Merci. Pierre. Et ça bouge beaucoup sur les réseaux sociaux. Et sur oui, notre dose du jour, exactement, avec le hashtag coup de boost et hashtag StudecWeb. Il y a Alexandra qui a réagi, qui a dit: moi je suis totalement du côté de Robin, team vitrine à vie. Je préfère largement toucher mes cadeaux que les acheter sur internet. Il y a aussi Edouard qui nous dit: trop content qu'Azem soit revenu enfin après trois semaines, on le revoit. Tu vois, tu manquais même aux auditeurs. Ah bah ça manque à tout le monde. Ça fait plaisir, je suis content. Et il y a pour finir aussi, je vois Elodie qui nous dit salut le coup de boost, etc. Je vais laisser un message sur la boîte noire, donc j'aimerais bien qu'il passe aujourd'hui. Et Amandine nous dit la même chose, donc bah peut-être l'une des deux, peut-être les deux, on verra tout à l'heure. Hein. Peut-être les deux. Et ça réagit aussi sur Facebook, sur la page Facebook de Studéco. Alexandra, 29 ans de Nîmes, nous dit: moi je préfère commander sur internet parce que je n'ai pas le temps d'aller faire les courses en boutique. Donc voilà. Ça peut s'expliquer. Les deux sont là, les deux fonctionnent. Et tant mieux d'ailleurs qu'il y ait les deux. Ah bah oui, ça nous aide. Il y a les deux. Voilà, bah super. En fin d'émission, on joue ensemble au booster pour tenter de gagner un pack StudecWeb. Et alors, vous jouez avec le thème du jour. Le thème du jour, les cadeaux de Noël. Il suffit de trouver un mot en rapport avec ce genre avec ces cadeaux de Noël. Pour vous aider à trouver le mot, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, auxquelles on répondra que par oui ou par non. Vous aurez une minute pour trouver ce mot. Mais attention, à chaque erreur, on donnera un coup de boost au chronomètre et vous perdrez 5 secondes. Soyez donc sûr de vos propositions. Et le cadeau dans tout ça, je vous l'ai dit, un pack StudecWeb contenant une visite des locaux de la radio. Et vous pourrez venir même assister à une émission. Et vous aurez aussi une carte dédicacée par toute l'équipe. On est généreux. Pour participer, envoyez vos noms, prénoms et numéros au téléphone par message privé sur la page Facebook de StudecWeb. Dans quelques instants, la surprise de Noël. Un invité mystère vous a préparé un sujet mystère. Et on écoutera Dadju avec Bob Marley. À tout de suite sur StudecWeb. À 15h, restez bien sur StudecWeb. Vous retrouverez toute l'équipe de Studec Borderline. Et au programme, Mona nous parlera de l'Égypte antique. Antonin nous parlera du Livre de la Jungle. Et oui, un film qui arrive bientôt sur Netflix. Des cadeaux insolites également à Noël. Le retour de l'info, la playlist StudecWeb. Et en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack StudecWeb en venant jouer aux poupées russes. Un seul rendez-vous, c'est Studec Borderline avec Antonin, Mona et Hugo de 15h à 16h. Restez bien sur StudecWeb. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur StudecWeb. Joyeux Noël. Le coup de boost, c'est jusqu'à 15h sur StudecWeb. Merci d'être avec nous. 14h30, ça y est, on a bien débarré l'après-midi. Et vous voyez, vous n'avez plus envie de dormir. Robin et Azem sont toujours là, tout se passe bien. Toujours. J'espère que pour vous aussi qui nous écoutez, tout se passe bien, que vous soyez au taf, en cours ou tranquille à la maison. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à vous détendre. D'ailleurs, il est l'heure de vous faire un cadeau. Waouh, mais c'est quoi ça? C'est trop bien, c'est Noël avant l'heure. C'est la surprise de Noël sur StudecWeb. Toute cette semaine et uniquement cette semaine aux alentours de 14h30, on vous prépare des surprises, plus précisément des invités surprises. Et aujourd'hui, on va vous présenter un collègue de StudecWeb que vous n'avez pas l'habitude d'entendre puisqu'il travaille en régie, technicien réalisateur de Studec Borderline. Salut Gwendal. Salut Jérémy, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Il est motivé Gwendal. Hein. La mission qu'on t'a confiée, si tu l'acceptes, nous parler de ce que tu veux, tu as carte blanche pendant 2 minutes. Et bah très bien. Gwendal, tu as lâché tes boutons pour le micro et ça a pas l'air d'aller aujourd'hui, je te vois. Bah oui, tout tristouné. Ouais, Jérémy, sors ton piano. Hein. Allez. Oh là là. Jérémy, en vrai, je me trouve pas très beau, je me trouve moche. Hein, et pour les auditeurs qui voient pas trop à quoi je ressemble, hein, bon, déjà, vous loupez pas grand chose. Et si vraiment vous n'avez pas peur aux yeux, hein, go direction les réseaux, l'Instagram, le Facebook, StudecWeb. Et pour les plus anciens, le Minitel 3615, StudecWeb, évidemment, moi je risque pas grand chose. Mais j'ai quand même essayé de me décrire. Alors, si vous voulez, avec mes longs cheveux, j'ai un petit peu la dégaine d'un surfeur hawaïen, mais malheureusement, avec le physique de Monsieur Patate. Hein, et quand je suis né, la sage-femme m'a prise dans ses mains et m'a dit: rassurez-moi, c'est une version bêta, c'est un prototype le truc, parce que je pense qu'il faut retravailler le projet. Je suis sûr que c'était ça ma naissance. Hein. Et quand les filles me regardent dans la rue longuement avec un regard insistant, c'est pas pour mon charme, elle se dit juste « Oh le pauvre, t'as pas été gâté par la voiture quand même. Hein. » Tu vois Jérémy, je pense que je suis un répulsif à filles. Un petit peu comme les moustiques, tu vois, mais genre moi c'est pour les filles en fait.

Oui. Robin, tu t'es intéressé au plus gros clash de la musique et c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Non, on sort un peu du délire de Noël. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur les plus gros clashs qu'il y a eu ces dernières années et franchement, c'est pas ce qui manque. On commence avec l'un des triangles amoureux les plus populaires de notre génération, Drake, Chris Brown et Rihanna. Ouf. Et ouais, les deux rappeurs sont tombés sous le charme de Riri et forcément, bah ça a pas donné quelque chose de cool. Plusieurs fois, ils se sont envoyés des pics violents, mais alors mais d'une violence sur les réseaux sociaux, mais c'était sûr qu'un jour ils allaient finir par se croiser et cette fameuse croisade entre Drake et Chris Brown a eu lieu dans une boîte à New York. La soirée s'est rapidement transformée en guerre des gangs. D'un côté, Chris Brown avec des proches et de l'autre côté, Drake avec des potes à lui. Après quelques insultes, ça s'est terminé par des coups de bouteille. L'histoire s'est clos devant les tribunaux. Bon, aujourd'hui, ça a l'air réglé, mais bon, ils sont pas toujours les meilleurs potes du monde. Vous allez me dire à la fin, restez bien attentifs, quel clash pour vous est le plus violent hein, parce que je vois vous regarder à droite, à gauche. En 2012, dans l'émission American Idol, Maria Carey et Nicki Minaj étaient toutes les deux jurys. Et pendant une audition, Maria a coupé la parole de Nicki, et on connaît tous Nicki Minaj et son tact légendaire. Ah ouais. Elle lui a tout simplement dit « Je vais te casser la gueule ». Ouais, normal, sans précise. Du coup, l'émission elle a été suspendue et ils ont renforcé la sécurité. Mais moi, je me mets juste deux secondes à la place de la fille qui est venue passer son audition et qui se retrouve avec un combat de coq, hein, vraiment entre Nicki Minaj et Maria Carey juste devant elle. Je crois que pour le coup, elle se souviendra vraiment de son audition à American Idol. Je pouvais bien sûr ne pas passer à côté de l'un des plus gros clashs qu'on ait eu en France. Ils ont réussi à bloquer un aéroport entier, faire trembler tous les médias français, même à l'étranger. Je parle bien sûr de l'embrouille de Booba et Caris. Exactement. La boutique de Duty Free qui a été... Et cette histoire, apparemment, est loin d'être terminée, même malgré toutes les peines qu'il y a eu, puisque Booba a recommencé. Il a mis en dessous d'une photo Instagram de Caris. J'ai vu il y a quelques jours, si je te crois, je te mettrai le supplément fromage. Donc voilà, c'est vraiment violent, mais alors mais d'une violence. Et on se souvient tous de ce clash. Hein. C'était ouf. Je crois que c'est la seule fois où j'ai parlé de Caris et Booba avec mes parents. Parce que même mes parents savaient, connaissaient cette histoire. Même moi, je te jure, c'est vrai en plus. Et ben voilà, ben pour moi, c'était les plus gros clash de stars de ces dernières années, enfin des derniers temps qui sont passés là. Et les clashs musique, et on continue de parler musique tout de suite. Toutes les musiques sont sur Studek Web. Focus dans les bacs sur Studek Web. Tous les lundis, Robin va fouiller sur toutes les plateformes iTunes, Deezer, YouTube et tu te concentres sur les titres les plus écoutés. On démarre avec un rappeur. Exactement, on commence le focus dans les bacs avec un artiste qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois, donc je viens juste d'en parler, hein. Je parle bien sûr de Booba. Il compte faire table rase sur le Bad Buzz et ressort un nouveau titre avec Madrina en feat avec Maes. Le clip a été mis en ligne le 28 novembre dernier et il comptabilise déjà plus de 10 millions de vues. Je surkiffe le clip. Oh là là là là. Et c'est vrai que c'est une belle prod, vraiment pour le coup. C'est un artiste aussi, toujours dans le rap français, qui reste premier du classement de Deezer depuis un peu plus d'un mois. Va peut-être falloir penser à payer le loyer, hein, monsieur Dadju. C'est le petit frère de Maître Gims. Une belle réussite familiale avec Jaloux. J'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es. Il sera à la Corotel Arena le 29 novembre 2019. Et on connaît tous depuis maintenant quelques années Lady Gaga, toujours dans la provoque. On l'avait découvert grâce à ses titres comme Poker Face. Mais pas que aussi, hein. Souvenez-vous, le légendaire featuring avec Beyoncé sur Téléphone. On l'avait très très clairement rangé dans la case de Reine de la Provoque, des shows incroyables, enfin les plus incroyables les uns que les autres à chaque fois. Et elle avait, je le rappelle, défilé au MTV Music Video Awards en 2010 avec une robe faite que de viande. Vous vous souvenez ou pas? Ouais, je me souviens, ouais. Et cette époque est très loin derrière elle. Pour la sortie du film A Star Is Born, on retrouve Lady Gaga et Bradley Cooper en acteur principal. On les suit dans une histoire d'amour incroyable. Et à l'occasion du film, Bradley Cooper et Lady Gaga se retrouvent pour un featuring qui me donne toujours autant de frissons. Shallow sur Studek Web. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself Shallow, Bradley Cooper et Lady Gaga sur Studio Web. On ne doutait pas du talent de Lady Gaga, mais entendre une interprétation d'elle comme ça, moi ça me laisse vraiment sur le cul, hein. Désolé de l'expression, mais c'est le cas. Bon, forcément j'ai pas le temps de faire tous les artistes et tous les titres qui sont dans les bacs malheureusement, mais j'ai pris ceux que j'aimais le plus et ceux que j'écoute dans mes écouteurs. Demain dans la rubrique musicale, Azem présentera son coup de cœur, je dirais même son crush de la semaine. J'espère que ça deviendra le vôtre aussi, même si je sais que dans le fond votre seul crush c'est moi. En fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studek Web en venant jouer au booster. Le principe du jeu, il est simple. Il vous suffira de trouver un mot en rapport avec notre thème du jour, les cadeaux de Noël. Vous aurez une minute pour tenter de trouver ce mot. Mais attention, en cas d'erreur, on donnera un coup de boost au chronomètre et vous perdrez 5 secondes à chaque erreur. Pour vous aider à trouver ce mot, bah vous pourrez nous poser autant de questions que vous le souhaitez, auxquelles on pourra répondre que par oui ou par non. Pour participer, vous envoyez vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de Studek Web. Dans quelques instants, on écoutera vos messages que vous nous avez laissés sur le répondeur de Studek Web, c'est la boîte noire, comme chaque jour en fin d'émission. On écoutera également le son de Dinoro et Gigi D'Agostino in my mind. Gigi D'Agostino qui fête aujourd'hui ses 50 ans et continue à nous ambiancer. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite sur Studek Web. À 16h, retrouvez L'Heure Média, votre émission 100% Média, avec Romain et Adrien. Avec nous, il sera question d'une émission culte dans une année, un média. Vous aurez bien évidemment votre journal des médias, afin de connaître les audiences télé et vous tenir au courant de toutes les infos que vous auriez pu louper hier à la télé. Vous pourrez jouer aussi au jeu du C'est qui c'est quoi pour remporter votre pack Studek Web. Alors rendez-vous tout à l'heure de 16h à 17h pour L'Heure Média sur Studek Web. Le coup de pouce, c'est le deuxième réveil de la journée, de 14h à 15h sur Studek Web. We all come. In my Studio Web, 14h48, merci d'être avec nous dans le coup de boost. Et comme chaque jour, on écoute les messages que vous nous laissez sur le répondeur. C'est la boîte noire. C'est la boîte noire. Salut le coup de boue, j'ai besoin de votre aide, voilà, ben, ça fait bientôt 5 ans que j'ai emménagé avec ma copine et j'aimerais la demander en mariage, mais le problème c'est que je sais toujours pas comment faire pour être original, est-ce que par hasard vous pourriez m'aider? Merci beaucoup et en tout cas continuez comme ça, vous êtes au top. Salut l'équipe du coup de boost, je vous appelais, donc je me présente d'abord, je m'appelle Amandine, j'ai 18 ans et je vous appelais parce que je viens tout juste de me lancer dans la chanson et j'aimerais bien avoir votre avis, donc je vais vous faire une petite démo, donc c'est parti. You, you love it how I move you, you love it how I touch you, my one. Merci l'équipe. Salut l'équipe du coup de boost, je vous suis depuis quelques semaines et je me posais une question. C'était est-ce que vous êtes plus vrai sapin de Noël ou plus sapin synthétique? Et voilà, je voulais juste avoir votre avis et j'espère à bientôt. Bisous l'équipe. Et voilà les messages du répondeur du jour. On va rappeler Nicolas dans quelques instants. Ben Nicolas oui. Qui a des petits problèmes. Voilà, il veut qu'on lui donne des idées pour une demande en mariage originale. Mais avant ça, on va répondre rapidement aux deux autres messages. Amandine, 18 ans, mais elle chante mais bien. Mais je suis choqué. Elle a fait The Voice, vraiment. Une voix douce. Vraiment, inscris-toi directement. Vraiment, incroyable. Tu peux être la révélation de l'année 2019. Je pense aussi. Non, mais franchement, sa voix, c'est un truc doux. Allez, je suis quand même la révélation. Plus vrai sapin ou sapin synthétique? Alors moi, je suis plus pour le coup sympa synthétique pour l'écologie, comme pareil, elle a dit tout François. Tout à fait pareil. Bon, on rappelle tout de suite Nicolas. Salut Nicolas, t'es avec nous? Allô l'équipe. Téléphone. Salut, comment ça Nico. Va Nicolas? Ça va super les gars, je suis trop content de vous avoir Nicolas, en téléphone. Nicolas, tu as 22 ans, tu nous appelles de Toulouse et t'es prof de français. Absolument, ouais, prof de français en 5ème. En 5ème. Tu colles beaucoup toi tes élèves ou pas? Pardon? Tu colles beaucoup tes élèves? Non, pas tellement, je suis plutôt sympa quand même. Et puis j'ai des élèves assez cool aussi, donc ça va. C'est un rapport de confiance que j'ai entre eux. Alors on rappelle rapidement ton histoire. Ça fait 5 ans que tu es en couple avec ta copine? Ouais c'est ça fait 5 ans. En fait moi l'histoire c'est que bon voilà, je suis fou amoureux d'elle. Mmh, ouais. Elle, j'ai l'impression qu'elle aussi. Mais l'histoire c'est que la demande en mariage, je pense que ça va lui mettre un petit choc directement. Et en fait je me suis dit que pour pouvoir la demander en mariage, il faudrait peut-être que je trouve une idée assez originale en fait. Et c'est pour ça que je vous demande votre aide. Oui, une idée originale. Alors qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? C'est passion. Et bah, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime le sport, elle fait de la gymnastique, elle fait beaucoup de gym. Je sais pas, elle va beaucoup au cinéma, elle aime beaucoup la musique, tout ça. Elle aime la gym? Elle aime beaucoup la gymnastique. Et bah, va un jour à un entraînement de gym et demande-la en mariage quand elle sera sur la poutre en train de faire non, des. Non, non, c'est pas mal. Attends, Nico, pro, écoute le pro. Dans le gymnase. Eh, écoute le pro, tu vois. Au centre-ville, il y a toujours des grands sapins de Noël en général, un truc bien beau. Ouais. Tu l'emmènes, tu marches un peu, après tu te poses à genoux et tu le demandes. Propre, classe, net, précis. Ouais, au revoir, c'est plaisir, ça, ouais. Voilà. Mais Nico, tu nous as dit que du coup que tu l'avais rencontré, t'avais 17 ans. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais. Ok, ah, et bah moi, ce que je te propose de faire, tu sais, il y a le film 17 ans encore. C'est un petit indice sur le début de votre relation. Et après, tu pourrais faire une demande assez stylée, genre devant tout le monde, devant toute la salle du cinéma ou devant. Enfin, je sais pas, devant le film ou un truc comme ça. Moi, j'ai pensé à ça. Ah, j'avoue, c'est pas mal ça, 17 ans encore. Mais oui, c'est pas mal, ouais. Bravo Robin. Voilà, devant la salle de ciné, c'est une très belle idée. Bravo Robin, merci beaucoup. J'avoue, c'était pas mal. Bah merci Nicolas d'avoir appuyé. On espère que voilà tout va bien se passer pour toi et que cette demande sera la plus belle, le plus beau moment. On espère qu'elle dure surtout parce qu'on sait jamais. Et puis surtout que vous finissez votre journée. Oui. Ensemble. Ouais, merci parce beaucoup que Nicolas. Merci l'équipe, vous déchirez. Salut, bisous. Ciao. Maison, poisson, hélicoptère, vers de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster sur Studek Web. Et il est l'heure de jouer au booster sur Studek Web, le jeu où il faut trouver un mot en une minute. Et Antonin est avec nous. Salut Anto. Salut Anto. Salut tout le monde, salut l'équipe. Et Anto, tu viens de Chevilly-la-Rue. Exactement. Dans le Val-de-Marne, proche de Paris. Exactement, c'est un peu paumé mais tranquille. Tu fais quoi dans la vie? Et bah écoute, je suis cuisinier. Cuisinier. Ok. Très pour bien. Noël, tu vas nous cuisiner plats, des bons petits plats pour Noël. Tu vas nous faire la dinde. Ah bah juste une dinde fourrée au pain d'épices, ça pourrait être pas mal ça. Ah ok, c'est une très bonne idée. Ah bah oui, à Noël on fourre que des dindes. C'est pas que très Noël. Bah enfin, faut toujours finir l'émission sur une petite touche. On va repartir sur le jeu parce que ça part trop loin là. Je te rappelle la règle vite fait. Tu dois trouver un mot en rapport avec notre thème du jour. Donc le thème du jour, les cadeaux de Noël. Pour ce faire, tu as une minute, pas une seconde de plus. Mais en cas d'erreur, on donne un coup de boost au chronomètre et tu perdras 5 secondes à chaque erreur. Donc vaut mieux que tu sois sûr de tes propositions. Pour t'aider à trouver le mot, tu pourras nous poser autant de questions que tu veux auxquelles on pourra répondre que par oui ou par non. T'es prêt? Ok. Et bah c'est parti. Une minute. Allez. Alors, est-ce qu'on peut l'offrir? Oui. Oui. Est-ce que c'est pour un homme? C'est pour un homme ou une femme, les deux. Ouais. Est-ce que c'est lourd? C'est léger. Non, c'est léger de base. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'hygiène? Non. Non plus. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les vêtements? Non. Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec les voitures? Non. Non. Est-ce que ça... Oh là là là là. C'est dur, c'est dur. Je te donne un petit indice, je te donne un tout petit indice parce que vraiment t'as l'air super c'est gentil. Ça, c'est ça. Ça tient un truc ou pas? C'est des bonbons? Non. Non. Est-ce que, bah, normal. Ça a un rapport avec du chocolat? Ça cache, non. Ça cache ton cadeau. Ça cache. Ah, c'est des emballages cadeaux. Oui, oui, c'est ça. J'ai eu peur que tu n'aies pas ce pack, Ardo. C'est pas facile, hein. J'ai défoncé ma feuille pour toi en plus. J'ai donné un indice vraiment parce que c'est la semaine de Noël, hein. Mais le reste de l'année, voilà, je serai pas aussi clément. Tu vas venir à Studequeb. Quel est ton animateur préféré, vite fait? Parce que tu viens d'avoir. Eh bah écoute, d'habitude c'est Azem. Mais là, vu qu'il a fait une bonne blague, Robin, je vais dire. Ah, ok, d'accord. Voilà, on achète les sacs. Tu peux fourrer que des dents, tu peux fourrer des tons aussi. Allez, c'est gratuit. On t'attend à Studequeb. Merci d'avoir participé, Anto, et à bientôt. À très vite. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studequeb. Joyeux Noël. Et le coup de boost, on revient demain avec toujours voilà, deux du jour sur Noël. On reste là-dessus. La surprise de Noël qui reviendra, des invités surprises. Mais de 15h à 16h aujourd'hui, restez bien sur Studequeb. Vous retrouverez toute la bande de Studequeb Borderline avec le chef de bord, Hugo. Salut. Yes, salut, salut l'équipe. Salut. Comment vous allez? Mais ça va très bien, et toi? Parfaitement, parfaitement. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Bah écoute, j'ai regardé les Miss samedi soir. Ouais, et puis sinon, dimanche, c'était repos. Et t'étais pas devant ta télé pour supporter l'équipe de France de handball? Même pas, figure-toi. Au final, figure-toi, même pas. J'ai dormi pendant, malheureusement, mais je suis très content et très fier d'elle d'ailleurs. Et toi, du coup, par rapport aux doses du jour, t'es plus cadeau internet ou cadeau à aller acheter en boutique? Alors, totalement cadeau en boutique. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, mon père est commerçant. Donc, ça fait toute la différence. Je vais vous dire, vous savez, il n'y a pas meilleure qualité, il n'y a pas meilleur service qu'en boutique, j'ai envie de vous dire. C'est vrai. Donc, oubliez vos putains de cadeaux sur internet et allez et déplacez-vous. T'as raison. Oh là là, et c'est vrai que ça va faire du bien. Et moi, j'étais pour, hein. On va pas être amis avec Hugo, je pense, hein, parce que je serais pas l'énerver. Vous jouez la simplicité, c'est tout. Voilà. C'est ça. Allez, au programme de Studequeb Borderline, Mona nous parle d'Egypte. Yes, absolument. Elle va nous parler d'Egypte. Antonin va nous parler de cadeaux insolites pour Noël, le sondage, enfin bref. On va s'éclater pendant une heure comme d'habitude. Et le retour de l'info à 15h. Absolument. Et bah restez bien sur Studequeb, Studequeb Borderline, c'est de 15h à 16h. Salut, à demain. Salut. The joy this time brings to you.